Chapitre 7e. Ikuteruka, en se réveillant, vit qu'il était dans une vaste caverne à la voûte de laquelle pendaient des stalactites de cristal. De nombreuses torches de résine, fixées aux parois par des crampons de fer, répandaient une clarté rougeâtre. Ikuteruka sentit que ses poignets et ses chevilles étaient retenus par des cordelettes liées très serrées. Il regarda autour de lui. Une cinquantaine d'hindous à peau foncée, n'ayant pour tout vêtement qu'une sorte de caleçon de cotonnade, circulaient par petits groupes. Mais Ikuteruka ne songea pas à s'intéresser à leurs gestes, car il vit, à moins de 2 mètres de lui, qu'un second prisonnier était étendu. C'était un homme de race blanche, grand et maigre. Ses vêtements de toile étaient souillés de sang. Il était éveillé et semblait en proie à une songerie sinistre. Ikuteruka, se tournant vers lui, demanda. « Savez-vous où nous sommes ici, monsieur ?» L'homme tressaillit et regarda le policier japonais d'un air étonné. « Non, je n'en sais rien, » répondit-il. « Je sais seulement que nous sommes au pouvoir des thugs et que notre vie ne vaut pas cher. »« Des thugs ?» murmura Ikuteruka. « Je comprends. Connaissez-vous un certain Tumble ?»« Tumble, c'était mon boy. Je suis l'ingénieur Gilcott, qui avait volé les rubis du temple de Siva et qui vous est évadé de la prison de Colombo. » Gilgot eut un haussement d'épaule attristé. Je voudrais bien avoir volé les rubis et m'être évadé de la prison de Colombo, murmura-t-il. Mais vous vous moquez de moi, s'écria Ikuteruka. Tout le monde sait que vous êtes évadé de la prison. Moi-même, je. Non, je ne me suis pas évadé de la prison. On m'en a enlevé. Ce sont les thugs. Ils croient que je suis le voleur des rubis. Ils veulent me faire dire où ils sont, mais malheureusement, je n'en sais rien. Ils m'ont déjà torturé et recommenceront. Gilcott soupira. Ikuteruka, stupéfait de ce qu'il venait d'apprendre, vit que l'ingénieur frissonnait et regardait fixement une grande jarre de terre, haute de 2 mètres et large d'autant, que 8 thugs venaient d'apporter et de déposer sur le sol. « Mais savez-vous au moins quel est le voleur des rubis ?» demanda Ikuteruka. « Malheureusement non, autrement je le révélerai aux thugs. » « Et connaissez-vous un certain Martin Sulak ?»« Martin Sulak ? Je ne vois pas bien. » Peut-être que... Attendez, oui. Ikuteruka écoutait. Allait-il apprendre la vérité? À ce moment, un grand gaillard, si maigre que ses côtes saillaient sous sa chair brune, s'approcha de Gilcott. Son visage émacié se terminait par une épaisse barbe noire. Il était coiffé d'un haut turban de soie jaune effiloché et noirci par la crasse. Il regarda Gilcott et en mauvais anglais glapit. Une dernière fois. Tu ne veux pas nous révéler où sont les rubis que tu volas, ô impie ? Mais puisque je ne le sais pas, s'écria Gilcott frémissant, tu vas donc mourir ! Le thug se tourna vers ses acolytes qui attendaient silencieux et leur cria une brève phrase. 4 d'entre eux se saisirent de l'infortuné Gilcott et le soulevèrent. Un 5e s'approcha, il tenait en main un poignard dont il se servit pour couper les liens qui entravaient l'infortuné. Gilcott fut porté vers la jarre. Ikuteruka, qui ne perdait rien de toute cette scène, vit que 2 autres thugs soulevaient une large plaque de verre, servant de couvercle au récipient. Les 4 bandits, qui soutenaient Gilcott, s'approchèrent de la jarre et, s'étant concernés, précipitèrent leur victime dedans. La plaque de verre fut aussitôt rabattue. Ikuteruka entendit les hurlements étouffés. 2 thugs, sur l'ordre de leur chef, se saisirent alors du détective japonais et le portèrent sur une grosse stalagmite où ils l'assirent. De ce perchoir, Ikuteruka put voir ce qui se passait dans la jarre où venait d'être jeté Gilcott. Il frémit et pâlit. À travers la plaque de verre fermant le récipient, il voyait Gilcott qui se tordait dans d'horribles convulsions parmi des centaines de gros scorpions gris tachetés de rouge qu'il mordait avec fureur. Le malheureux se débattait, se roulait contre les parois de terre, mais sans pouvoir échapper aux morsures des terribles tarentules. En moins d'une minute d'ailleurs, tout fut fini. Le venin des scorpions eut fait son œuvre. Gilcott expira. « Tu as vu la fin de ton complice ?» fit alors le grand thug en s'approchant du détective japonais. « Eh bien, si tu ne veux pas être jeté toi aussi dans la jarre, tu vas tout de suite nous révéler où sont les rubis. »